Next production. Jeunesse Live. Bonjour, nous voilà sur Jeunesse Live. Nous allons interviewer Pierre de la quinzaine du livre. Bonjour. Comment vous appelez ? Alors, je m'appelle Pierre Lebleu, je suis chargé de mission à la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire, qui est l'association qui organise la quinzaine du livre jeunesse sur tout le département. D'accord. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que la quinzaine du livre jeunesse ? Alors, la quinzaine du livre jeunesse, c'est un projet culturel et éducatif qui existe maintenant depuis plus de 50 ans et qui consiste à permettre aux enfants et aux familles de découvrir des livres jeunesse par l'intermédiaire des structures qui les accueillent. Donc, ça peut être une école, un accueil de loisirs, un collège, un lycée, une bibliothèque qui a envie de recevoir les livres de la quinzaine et donc qui nous demande de s'inscrire. Et puis ensuite, on leur met à disposition des livres pour qu'ils puissent les faire découvrir aux personnes qui fréquentent leurs établissements. Et puis à la fin, il est possible pour les familles et les enfants d'acheter les livres. Et quand est-ce que la quinzaine du livre a débuté ? Eh bien, la Ligue de l'enseignement l'organise depuis les années 70. Et un petit peu avant, il y a eu les prémices, ça a été des enseignants qui souhaitaient faire venir des enseignants dans les écoles pour promouvoir les nouveaux livres. La littérature jeunesse était en pleine émergence à ce moment-là. Et ils avaient à cœur de dépasser les simples manuels scolaires pour faire découvrir d'autres livres qui pourraient vraiment donner envie de lire. Voilà. Et ça va durer combien de temps encore, la quinzaine du livre ? Je pense que si ça pouvait durer encore 50 ans, j'en serais ravi. On verra. Je pense, l'attrait pour le livre et l'intérêt du livre, il se réduit pas en fait. Toutes les générations continuent de lire. Et donc je m'inquiète pas pour ça. Il y a toujours besoin de se repérer et des gens passionnés pour la partager. Vous êtes combien au total à la quinzaine de livres jeunesse ? Alors on est nombreux et dans différentes missions. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une cinquantaine de bénévoles qui, par exemple, toute l'année épluchent les livres qui sortent pour ensuite proposer le catalogue qui compte à peu près 350 titres. Donc là, ça fait à peu près une soixantaine de bénévoles, juste sur les comités de lecture. Il y a moi qui suis salarié avec ma collègue Maggie, et puis d'autres personnes, on a des volontaires en service civique qui sont en mission durant l'année, des bénévoles qui vraiment viennent en soutien sur les événements qui se mettent en œuvre autour de la quinzaine. Ce n'est pas juste des livres qui sont mis à disposition. Des fois, il y a des événements comme aujourd'hui sur lesquels il y a des bénévoles qui viennent. Et puis après, il faut vraiment se dire que la quinzaine, c'est aussi dans toutes les structures, les professionnels et les autres bénévoles qui vont accueillir les livres et mener de leur côté la découverte des livres auprès des enfants et des familles. Alors ça peut être les professeurs documentalistes, ça peut être les animateurs lecture, ça peut être les bibliothécaires, etc. Quel a été ton parcours jusqu'ici ? Alors mon parcours professionnel, c'est ça ta question ? Alors moi il est un peu atypique, j'ai pas fait beaucoup d'études. Avant d'être à la Ligue de l'enseignement, j'ai travaillé dans une association qui s'appelle la Maison des Jeux de Touraine, qui était plutôt sur la promotion des pratiques de jeu et pendant 12 ans. Et puis avant, j'ai fait beaucoup d'animations socioculturelles autour de plein de choses différentes avec tous les publics. Et j'ai un petit niveau d'études, juste un bac en fait. Et qui a fabriqué la quinzaine du livre ? Qui l'a fabriqué, c'est plusieurs personnes. Alors on parle souvent de Odette Vieille-Rivière, mais il y a aussi d'autres gens à l'époque qui ont pu la porter, enfin s'en tenir à une seule personne, c'est limitant. Et puis si tu veux, si elle est aujourd'hui encore existante, c'est aussi par la matière de plein de gens. Ce serait trop long de tous les énumérer, puis en vrai je les connais pas tous. Quelles sont vos lectures préférées ? Alors moi, personnellement, mes lectures préférées, j'aime un peu de tout, parce qu'en fait, ça va dépendre de la situation. J'aime bien continuer de lire des albums avec mes enfants. J'aime beaucoup la BD, j'aime aussi les romans. En ce moment, je suis en train de lire 1984, qui est un roman assez ancien de science-fiction de George Orwell, et qui me fascine assez, même si c'est un peu effrayant. Ça montre un monde complètement fasciste et qui fait un peu peur. C'est quoi vos attentes quand vous organisez ces genres d'événements ? Nos attentes, c'est surtout que les gens soient présents. Parce qu'on met beaucoup d'énergie, que ce soit moi ou tous les acteurs qui participent, à organiser ce genre de moments. Et on sait que si les gens viennent, ils prendront du plaisir, parce que tout le monde est là pour partager son plaisir de lire et sa passion pour le livre et la rencontre. Donc c'est juste ça qu'on attend, c'est que les gens soient présents. Sinon, on met de l'énergie pour rien. Donc ça, c'est toujours un petit peu décevant. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ça, justement ? En tant que métier ? Oui. C'est un attrait pour les médias culturels. Donc j'entends par là, le livre jeunesse, c'est intéressant. La littérature, c'est vraiment un moyen de se cultiver, d'apprendre, de découvrir, de s'évader et aussi de travailler sur sa conscience, quoi. J'ai une autre question aussi. Est-ce que depuis que vous êtes tout jeune, est-ce que vous aimiez déjà la lecture ou pas ? Eh bien, pas du tout. Moi, j'étais plutôt le petit garçon qui montait et grimpait dans les arbres et qui courait partout. Donc, j'ai pas eu de difficulté à lire. Ça, c'est quand même un avantage. Et j'ai pas été un gros lecteur. Mais j'ai retrouvé plutôt le goût de la lecture plus tard, quand j'étais adulte. Parce que je m'intéressais à des sujets. Donc, je lisais plutôt des livres scientifiques, des choses comme ça. Et puis, la bande dessinée aussi, ça m'a beaucoup redonné goût à la lecture. Et voilà. À quoi sert la quinzaine du livre ? Eh bien, ça sert à découvrir en fait une sélection de livres qui sont sortis depuis plus d'un an. Donc ça sert vraiment à ça, c'est vous permettre de vous repérer dans les livres qui sont sortis et puis continuer d'enrichir votre découverte de lecture parce que c'est important de découvrir aussi les auteurs contemporains. Les sujets qui sont traités aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans, 50 ans. Évidemment, la société elle évolue et donc les auteurs ils écrivent des histoires aussi en s'inspirant du monde qui les entoure. Donc c'est essayer de coller aussi avec notre vie actuelle, quoi. Moi j'ai une question, j'ai 11 ans et quel livre vous pourrez me proposer ? Ah, c'est une question difficile ça. Il y en a plein en fait. En fait, là, pour répondre à cette question, on a besoin de discuter un peu plus. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu as des centres d'intérêt ? Est-ce que tu aimes lire déjà ? Est-ce que tu as besoin d'images pour te rassurer quand tu lis un livre, etc. etc. Il y a plein de choses, mais en fait, il y a aussi oui, tes goûts, le temps que tu as pour lire, est-ce que tu as ces habitudes-là ? Donc je n'ai pas un livre à te conseiller comme ça, de but en blanc. C'est la combienième édition ? Et bien là, on est à la 53e édition de la quinzaine du livre jeunesse. Je vous disais, ça a plus de 50 ans. 53e édition. C'est énorme sur un projet associatif comme un projet culturel. Du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez à la quinzaine du livre ? Moi, ça fait seulement 5 ans. J'ai une question. Quel a été le premier livre qui vous a marqué ? Oh là ! De la quinzaine ou... Oui, de la quinzaine du livre. Oh là, ouais. Par exemple, de cette année. Donc ceux qui sont ici, c'était lesquels votre préféré ? C'est dur, en fait tu dois choisir un sur 350, c'est dire mettre de côté les 349 autres, tu vois. Je sais pas si j'ai envie de répondre à cette question. Allez, je sors mon joker. C'est compliqué ? Ouais, c'est compliqué, il y en a tellement de bien. Pour vous, comment ça s'est passé cet après-midi ? Cet après-midi et ce matin, c'était très chouette. Pourquoi ? Parce que les gens étaient présents. Il y a eu plein d'accueils de loisirs qui sont venus, des groupes qui ont été encadrés, qui sont venus découvrir les livres. Il y a eu des plus petits, des plus grands. Il y a eu les personnes âgées de l'EHPAD qui sont venues aussi offrir des lectures à des plus jeunes. Le public est au rendez-vous, donc pour l'instant, plutôt une franche réussite, quoi. Mais vous restez combien de temps par an ici ? Alors on vient une fois par an. D'habitude, c'était plutôt au mois de décembre. Et on vient une journée comme ça, quand la quinzaine se termine. Donc là, il faut s'imaginer que pendant un peu plus d'un mois, il y a des établissements, des collèges, des écoles qui ont eu les livres entre leurs mains, qui les ont fait découvrir aux enfants. Et puis là, on a récupéré tous les livres, on les a installés ici pour que ce soit ouvert au grand public et qu'on puisse tous découvrir les livres et aussi les acheter pour les ramener chez soi. Et pourquoi ce titre, la quinzaine du livre, et pas un autre ? Ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que ça vient du fait que, dès le départ, c'était aussi pour permettre aux gens d'acheter des livres. Et il y a quelque chose qui s'appelle... Souvent, les quinzaines, c'était des opérations commerciales. Il y a le truc qui s'appelle la quinzaine du blanc, c'était pour acheter des draps. Et je pense que ça vient de là, à l'origine. C'est plus pour dire que y a des livres qui sont mis à disposition, vous pouvez les découvrir et vous pouvez venir les acheter. Après, la quinzaine, maintenant, elle dure à peu près 15 jours quand les établissements l'accueillent encore. On leur prête pendant une quinzaine de jours. Okay. Donc ça fait encore sens. Et puis, comme c'est très ancré... localement, il y a des tas de gens qui sont maintenant plus vieux que moi, qui ont connu la quinzaine en fait, et qui l'ont eu quand ils étaient enfants. Donc c'est difficile de se détacher de ce nom parce qu'il résonne pour plein de gens, même si son sens était moins clair aujourd'hui. J'ai une autre question. Est-ce que du coup tous les ans vous venez ici ou est-ce que vous changez des fois d'endroit ? Alors on vient tous les ans ici, mais on va aussi dans d'autres endroits. Dans un mois, on sera au Grand Pressigny, dans le Loche Sud-Touraine, avec un autre temps fort. Ça va être à peu près la même chose qu'ici, mais on s'installe à un autre endroit. Et en ce moment, les livres justement sont dans les écoles, les collèges, les bibliothèques de ce secteur. Et quand est-ce que la quinzaine du livre a été créée ? Eh bien, c'était, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était dans les années 70, enfin début 70, 1970-71. Et du coup, vous changez tout le temps d'endroit tous les mois ? Alors, les livres, il y en a tout le temps en circulation un peu partout. Et effectivement, des temps forts comme celui-ci, on appelle temps fort le moment où on invite les gens à venir pour découvrir les livres et les acheter, on propose des animations. Ça, il y en a un différent à peu près tous les mois, ouais. Enfin, pas forcément tous les mois, mais il y en a eu un à Tours, il y en a eu à la Ville aux Dames avec la Ville aux Livres, il y en aura un à Zellerideau, il y en aura un à Langer, j'en ai oublié. Voilà, il y en a à plein d'endroits. Est-ce que vous changez des fois les livres ? Alors, c'est pas les mêmes exemplaires, mais c'est les mêmes titres. C'est-à-dire que là, ce qu'on met à l'honneur à chaque fois sur la quinzaine, c'est la sélection qui a été préparée par les comités de lecture. Donc on retrouve les mêmes titres à tous les endroits où va être organisée la quinzaine sur une même année scolaire. Et est-ce que la quinzaine du livre est dans tous les pays ou seulement en France ? Non, alors je sais pas ce qu'il en est des autres pays, j'ai pas assez voyagé pour te le dire, mais je crois que c'est un projet qui est unique en France. D'accord. Merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Jeunesse Live. Retrouvez-nous tous les mercredis à 18h15 sur Radioactive 94.7. À bientôt.